Je crois qu'on mange. Super truc, très bon. C'est un la, do. Le bonsoir de tous les musicos, c'est-à-dire Phil, c'est tout petit chez la mère. Mon frère, à chaque fois que je parle de toi, il chante cette chanson. Bipop, Lula, et Mike, bien sûr. Phil, Mike, voilà, tout le monde est là. C'est tout petit chez la mère, attitude. Problème dans le passage. Qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut sauver l'amour? Qu'est-ce qui peut sauver l'amour? Et comment trouver le goût de la vie qui peut remplacer le besoin de l'envie? Qu'est-ce qui peut sauver le temps. Faut que j'y mette sur Z Drummer, je sais pas quoi. Une autre fois. Alors attends. J'aurai pas le temps ce soir, mais je vais essayer de le. Moi ça marche pas les MIDI files sur mon truc là. Alors, accroche. Ah, génial. Ah, c'est génial. Ça. Putain, il y en a plein en plus. Sauver l'amour. Enregistrer. Alors, parce que. Ouais. Extraire. Il l'a mis où? Pourquoi il veut pas me le lire sur. Expand 14 mini tracks to new. Import 2. Non.